Le premier garçon vint dire en ce moment à l'oreille de Carabine qu'une de ses parentes était dans le salon et désirait lui parler. La Lorette se leva, sortit et trouva Madame Nourrisson sous les voiles de dentelle noire. « Eh bien, dois-je aller chez toi, ma fille » a-t-il mordu. « Oui, ma petite mère, le pistolet est si bien chargé que j'ai peur qu'il n'éclate, » répondit Carabine. Une heure après, Montès, Cydalise et Carabine, revenus du rocher de Cancale, entraient rue Saint-Georges dans le petit salon de Carabine. La Lorette vit Madame Nourrisson assise sur une bergère, au coin du feu. « Tiens, voilà ma respectable tante, » dit-elle. « Oui, ma fille, c'est moi qui viens chercher moi-même ma petite rente. Tu m'oublierais, quoique tu aies bon cœur, et j'ai demain des billets à payer. Une marchande à la toilette, c'est toujours gêné. Qu'est-ce que tu traînes donc après toi? Ce monsieur a l'air d'avoir bien du désagrément. » L'affreuse Madame Nourrisson, dont en ce moment la métamorphose était complète et qui semblait être une bonne vieille femme, se leva pour embrasser Carabine, une des cent et quelques lorettes qu'elle avait lancées dans l'horrible carrière du vice. « C'est un Othello qui ne se trompe pas et que j'ai l'honneur de te présenter, monsieur le baron Montes de Monterranos. »